J'ai été envoyé chercher du secours. Mon plan m'a envoyé chercher du secours. Quelque chose de bizarre à faire. Quelque chose qui fait cette horrible bruit de céréales. Fait cette horrible bruit de céréales. Fait cette horrible bruit de céréales. De Vlasving, la viande swing, monte sur le ring. De tac sur la beatbox, de box, de lyrics, d'alcoolique. Pour la picole, que ceux qui s'y collent, nouvelle école, Svinkels. Comme opérative agricole. Comme une moissonneuse, batteuse, chabagueuse et Svinkels. Moisson balèze, poisson malaise. En guise d'amuse gueule, à l'aise dans le bourrage de gueule, j'te gueule. T'invite à un fils puzzle et t'éparpille façon puzzle. 3, 2, 1, le temps que tu ouvres ta bouteille. J'avais vidé la mienne et l'avais mise à la poubelle. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Le recordman de vitesse classé dans le Guinness Book. Un gars de la ville qui pue le bouc. Mes récoltes, je les pisse comme des maïs. Je m'enfile des jets en verre. Flair les kilos de céréales versés dans les silos. Sirotons le houblon, bavons-en, brassons-le. Poussons le bouchon, il en pleut des litres comme à la mousson. 4 x 4, 16 x 4, 64. 4 fois à 4 pattes, à ces 7 on voit qui craque, sois santé, écarlate. Tu fais le grand écart, là t'es sur le plancher, sur le parc et tout âgé. Céréales, kilo, buveur de bière en série. On se gorge d'orge, doublon et de malt à whisky. Céréales, kilo, les Svinkels sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, kilo, buveur de bière en série. On se gorge d'orge, doublon et de malt à whisky. Céréales, kilo, les Svinkels sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, killer mais qui me leurre pas. Pour sûr je la connais cœur pas d'elle. Levez les crevures, carbure à l'alvure. Donc je repars, céréales à boire. Mais pas de l'ovo, maltine. Le matin c'est du mal que je tétine. Boiton bonjour à la chicorée. Je me rince les chicots au bourbon. M'embourbe dans le houblon. Excite mes exos, hebdo ou dedans crôlé. Écroulé sous mes abdos, à l'accro ou devant la télé. Accro à l'accro et à la crique, j'ai la trique. Chronique, c'est nique, à l'accro, c'est chronique. Le macro, mi-homme, micro, prix synchro. Et invite à l'apérobique, nos vers centre et chaque apique. Garonne le vide du coude, on développe nos réflexes. Ça nous vexe de te voir bouffer des cornflakes. Car le swing favorise la grosse tease au frosties. Des rails se crispent et pique sa crispe pour rails se crispies. Malsain dans la membrane, oublie tes all-brand. Pour tes problèmes de transit intestinal, basta la solution anale. Comme desktop, je fais sauter le bouchon. Viens dans l'axe, c'est tellement bon que je fais des bons jusqu'au balcon. Et que j'y bégère toute ma potion. Obsession, amour pour la boisson. 1-6-6-4, j'en ai des cicatrices, c'est triste. Ma voix n'est plus celle d'une cantatrice. Je m'attriste sur tes traces laissées sur mon bide. Je danse la danse du ventre et nous remonte à ma tête livide. Ravi de ce gâchis, j'en suis avide. Dosier arrive. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. Céréales, kilo, buveur de bière en série. On se gorge, torche, doublon et de malt à whisky. Céréales, kilo, les Svinkels sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, kilo, buveur de bière en série. On se gorge, torche, doublon et de malt à whisky. Céréales, kilo, les Svinkels sont fous. On laisse que des cadavres derrière nous. Voici le bon grain. Le manger est à la portée de tous les imbéciles, mais notre Seigneur, dans sa divine sagesse, a prévu une meilleure façon de le consommer. Élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Le mal aborde les barres, voilà le mal à barre des pierres. Qui swing les syllabes, met la gomme jusqu'à l'abus. Tu te rebutes devant mes rébus en carobar. Abracarambar, je brigue les brocs et truc les bocs. Je me biture et turbine à la tuba. Turbo cyborg comme Bjorn Borg. Tête de céréales qui là, je mâche pas mes mots, je les smash. Flash raf sur les fuves, là le raffut, les big barouf. Toujours à l'affût d'une soirée mousse. Le capitaine taverne, ta voile t'avertisse. M'avale pas de travers, ou zbang, zbang ton verre. J'ai un permis de Dieu, c'est ma licence, quatre mon ami. Pas de demi-mesure, je te mesure à ton usure au demi. Usurpation, consommation, entraîne une punition. On t'a mis dans un état stationnaire d'épuration. Notre torture, c'est la tourtelle. Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est la tourtelle. Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est la tourtelle. Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Céréales, kilo, buveur de bière en série. On se gorge d'orge, doublon et de malt à whisky. Céréales, kilo, les Svinkels sont fous. on laisse que des cadavres derrière nous. Céréales, killer, buveur de bière en série, on s'écorche, torche, doublon et de malt à whisky. Céréales, killer, les spinkels sont fous, on laisse que des cadavres derrière nous. Qui était-ce?